Ouais, c'est vrai qu'on s'est un peu enfermé dans ces histoires d'église, mais. Mais je crois que c'est à cause enfin, c'est à cause du cloître. Ah ouais, on a un peu dévié. Ouais, voilà, mais c'est ce qui est venu comme ça, on sait pas trop pourquoi. Ouais, clos, cloître. Ouais, cloître, ding-dong, église, cloister. Cloister, moister. Je pense que c'est ça, on s'est un peu enfermé là-dedans. Ouais, ouais. Voilà, mais en même temps, c'est le chemin de pensée du moment, c'est ce qui est advenu, ce qui est sorti, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, à un moment donné, j'y avais pas pensé directement, mais tout à coup, quand on était un petit peu dans le... En gros, laisser les mots venir, etc. Il y a quelque chose de l'éclosion du langage. Enfin, il y a quelque chose de... C'est un truc qui vient sans... C'est le truc de ça pense, le ça pense, ça vient. Il y a le truc qui vient un peu comme ça. On ne sait pas trop pourquoi, justement. C'est parce qu'on est frais du matin aussi. On a la place pour aussi... Pour se remplir de mots, en fait. C'est ça. Moi, ça m'arrive. Des fois, le matin, quand tu n'as pas les idées claires, tu as... T'as ce côté. T'as pas les mots, quoi. Ouais, t'as pas les mots. Mais il y a des gens qui ont les mots. Pas de pensée, comme ça. T'en as rencontré ? Des gens qui ont pas de mots ? Non, qui ont les mots. Qui ont pas de pensée ? Qui ont les mots ? Toujours. Ah, au bon moment, le bon mot. Ouais, un peu des. Presque des machines, j'allais dire. Quoi, mais un peu des. Ils se réveillent le matin, ils sont directement allumés, quoi, c'est ça ? Mais c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Moi je suis pas comme ça. Et en plus, il y a des jours où je suis pas du tout. J'ai pas de mots, c'est vrai. Et de rater le mot. Ah ouais, ou pas le trouver aussi. Mais rater le mot. Ouais. Tu l'as un peu dans les yeux, tu essaies de l'attraper, puis t'as pris celui d'à côté. Ouais, c'est pas le bon. Ouais, puis tu cherches le bon, puis ça marche pas, hein, c'est vrai. Puis du coup, toute la journée, t'es un peu en décalé, justement. Ouais. Une voiture du coup là. Une dame qui transporte son bébé assez joliment dans une couverture, un porte-bébé. Une autre dame, cheveux blonds, décolorés, mais dont les racines sont réapparues. Donc elle est plutôt châtain foncé. De toute façon, elle est partie de toute façon. Donc, Là maintenant, là sur notre gauche, on a un jogger. Un jogger. Très beau style. Et le service de nettoyage des ascenseurs. Ouais, très beau style aussi d'ailleurs. Avec un gilet jaune De Zug. Le fameux gilet jaune de Zug. Qui a un requin sur son camion. J'ai pas vu le requin, dis donc. Ouais. Et une poubelle, bien sûr, qu'il est en train de nettoyer. Poubelle extérieure. De style extérieur. Qui sont trop petites. Mais c'est vrai que t'as vu, ils ont une mâchoire de requin, c'est maintenant que je vois le truc. Tu vois. C'est ça, en fait, j'ai jamais remarqué. Ces petites poubelles en métal, enfin, c'est assez grande poubelle, en fait. En métal, rond, comme ça, avec le plafond de la poubelle qui est incliné avec des mâchoires. Ça, en fait, c'est le requin. C'est pourquoi ? Je sais pas, la bouche un peu. Le profilage. Oui, quoi, c'est ça. L'angle. Mais pourquoi un requin ? Parce qu'il bouffe les déchets. Il mange les prédateurs. Déchets. C'est le prédateur du déchet, quoi. Du déchet, ouais. Donc les requins mangent des déchets, c'est ça un peu ? Je sais pas, peut-être, parce que. Je sais pas. C'est en fait, il nettoie la poubelle le matin pour. Il la vide, il la nettoie pour qu'elle puisse repartir pour une bonne journée. Cleaning mobile. Aignée. Abfallhai. Ein Fehler für Abfall. ZG37161. Anta Swiss AG. Metro. Abfallhai. Ein Fehler für Abfall. Direction Uschi Olympique. Ein Cleaning mobile. Ein Fehler Slit. Direction Croisette. F4 Multitrack Field Recorder. horaire VD295466 Grand Cy, école de Montréal. VD25198. Devant le panneau Pédibus. VD14 14 14 15. VD98731. L'Aubaine, Antiquité. VD SA 48795. Max 2 heures. 39 par comètre 4 collectif. VD 49610. Oui. Pour une Suisse VD libre est 3 7 de 9 synthèse. 8 7 VD 2021. 3 7 1 8. On parle éclosion de ce qu'on va faire aussi, quoi, ça, non? Oui. Ça se prête bien à ça, quoi. Justement, on sait pas encore ce qu'on va. On commence à faire un truc, on sait pas ce qu'on fait. C'est ça. Mais tu vois, parce que je me suis dit quand même, éclosion, moi, ça me fait toujours penser à l'œuf. Évidemment. Non, mais tu vois, parce que l'éclosion, ça m'a toujours fait penser à un œuf. Ouais. Parce que moi, par contre, l'éclosion, ça peut faire penser à un œuf. Ouais. Mais c'est c'est direct parce que c'est comme si tu prenais un et puis après c'est différent. L'œuf, par exemple. Bon, j'aurais pas pensé à un œuf, mais à quoi? Ça peut être aussi quelque chose comme Non, parce que moi ça me fait toujours penser à un œuf. Ça peut être un œuf, mais ça peut être aussi quelque chose qui serait rond, qui serait peut-être rond, en tout cas fermé sur l'intérieur comme ça, évidemment. Ça paraît logique, mais moi je pense, pour moi c'est très végétal, l'éclosion. Ah ouais. Enfin, végétal au sens pouf. Comme un pouf. Non, ça fait pouf, l'onomatopée pouf. De pouf comme onomatopée. Un truc qui... Mais closion. Ouais, de clos. Closure, quoi. Cloître. C'est ça, qui est fermé, clos, qui s'ouvre, quoi. Qui... Du haie, comme l'ouverture. Non, parce que... Qui va vers. Un œuf. Ou alors comme un truc qui fait pouf. Ça, j'aime bien. Un truc qui fait pouf. C'est ça fait pouf. Avec le final. Ouais, pourquoi pas. Pouf. Pouf. Pouf. Pouf. Ouais, c'est un truc qui part de l'intérieur de la gorge comme ça et qui s'en va. Pouf. Qui s'ouvre au monde comme ça et puis peut-être qu'il revient et qui peut faire pouf. Éclosion, inclosion. Mais c'est quand même l'idée d'une naissance. Il y a un truc comme ça, en tout cas, un truc qui advient. Du coup, il y a la mort aussi. Donc un truc qui va et qui vient. Une sorte de dialogue. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être, je sais pas. Donc Donc ça, c'est quelle rue ? Ça, c'est la rue de... On est sur la place... C'est la rue Grancy, sur la place... L'Esplanade, c'est l'Esplanade d'ailleurs. Et là, derrière, je vois avenue du Rond-Point. C'est le Rond-Point. J'ai déjà cherché le Rond-Point, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Il est pas encore là, il n'est pas encore... Mais c'est beau une ville le matin, comme ça, en train de naître, justement. Il y a des gens qui passent. Ouais. Bonjour. Bonjour. En tout cas, il nettoie beaucoup ici, j'ai l'impression. Ça, c'est le matin. Est-ce qu'il nettoie le soir ? C'est comme pour réveiller la rue, comme ça, non ? Comme les cloches ? Comme quoi ? Comme les cloches ? Comme les cloches ? Les cloches, ça réveille le matin, des fois. C'est vrai ? Non ? Ah, peut-être. Mais quel est le meilleur son de cloche ? Catholique ou... Vache. Les cloches de vache. Cloches de vache. Évidemment, bien sûr. Ou les grelots. Les grelots de Rennes. Les grelots de Rennes. C'est vrai que c'est... T'en entends souvent chez toi ? À Noël. À Noël. À Noël et tous les matins dans ma tête. Bonsoir. Bon. Il n'y a pas d'église, hein ? Ici ? Non. Il n'y a ni rond-point ni église. C'est bizarre. Ah voilà. Ah. Encore un peu de nettoyage de trottoir. Bonjour. Je pensais pas que la rue était si sale. Elle avait pas l'air. Hein. Non, je trouvais que ça allait aussi. Donc tu dirais, l'idée du matin, ce serait de nettoyer un peu, en gros, de libérer la place, le rond-point. Ouais, de faire table rase, enfin pas table rase, mais de la nuit, ouais, un truc comme ça, non ? Revenir à la vie, comme ça, avec le jour. Dire, voilà, la nuit, c'est fini. On passe au jour. On passe au jour. Je sais pas. Avec des machines, un peu carrées. Ouais, c'est ça, avec plein de jets. Avec plein de jets, ouais. Et qui roulent sur le trottoir. Oui, qui ont le droit. De l'avenue du Rond-Point. C'est ça. Sans rond-point. Si tu devais dessiner une ville, je ferais un rond-point. Ouais. Avec une église au milieu. Et voilà. Un œuf, évidemment. L'œuf. À la place d'une cloche, on taperait sur un œuf. Ouais. Et quand l'œuf se casse, c'est l'heure d'aller se coucher. Et on nettoie. Et on nettoie, bien sûr. Absolument. C'est ça. C'est ça, en fait, qu'on est là. En fait, c'est l'avenue du rond-point, on est sur le rond-point, on s'en rend pas compte. Et toi, tu dirais... Les premiers mots que tu dirais le matin, par exemple, les premiers mots qu'on dirait le matin, ce serait lesquels ? Enfin, c'est quand tu croises quelqu'un tu te les dis à toi-même ou enfin les mots que tu te dis le matin, en gros, comment le langage est clos ? Il arrive, quoi, le message. Comment ça vient ? C'est-à-dire, le matin, en admettant que tu n'as pas parlé pendant 10 ans, ou un jour, ou une nuit, 10 heures. Voilà, un peu. Ouais. Et donc, tu parles le matin ? Ou ce serait seulement avec Avec toi-même ou tu discutes, toi avec, ça, oui, dans ma tête des fois. Ou avec la radio est-ce que tu téléphones le matin par exemple ou est-ce que pour m'éclaircir la voix des fois j'appelle quelqu'un au hasard. Si t'avais invité un copain, tu est-ce que tu discuterais le matin avec si t'invitais quelqu'un à dormir par exemple, je veux dire, qui passerait 10 ans avec toi, 10 heures ou un comme, parce que, ce que je fais souvent, en fait, c'est que je me lave la bouche, je me lave les mots, je me lave les pensées. Et du coup, ce serait ça le début de la conversation. J'éteins la nuit. Ok. Je me lave la bouche, comme sur le trottoir, et je repars à zéro pour des nouvelles pensées du jour, je ne sais pas quoi. Un truc pour redémarrer quelque chose. Et du coup, je me frotte. Pas que les dents, hein, je me frotte la langue, beaucoup la langue. Évidemment, faut se laver la langue pour ensuite pouvoir faire ressortir des nouvelles choses et pas répéter la même journée. Sinon, j'ai l'impression qu'on refait la même journée. Tiens, je vais te donner le casque. Okay. Tu entends ? J'entends. Dommage qu'on n'ait pas d'appareil photo. Parce que cet enfant qui était dans c'est quoi ? C'est pas un diable, c'est un porte... Un caddie, ouais. Comment on dit ça ? Une charrette ? Ouais, un tank ? Peut-être de chameau à roulette. Un chameau à roulette. Un truc comme ça. Non, avec des poignées, avec deux poignées, non, avec une poignée, donc c'est pas un chameau. Ouais, genre peut-être donnant le contexte. Enfin, c'est un peu, tu vas par exemple au magasin, bonjour. Tu te lèves le matin. Voilà, tu vas au magasin pour te réveiller. Voilà. Pour rafraîchir ta pensée, faire une sorte de risette. Donc à 9h30, tu te réveilles en gros. Donc tu rentres dans le magasin, ça dépend quel magasin, mais c'est vrai que... Ça dépend quel jour. Et ouais, ça dépend aussi quel jour, c'est vrai. Donc le dimanche, à la limite, tu dormis toute la journée. C'est vrai. Et peut-être que tu vas à l'église. Aussi. Écouter les œufs qui sonnent. Non, mais cette histoire d'église et du matin, je pense que ça dépend des quartiers. Sans doute. Se faire réveiller par l'église le matin, tu deviens athée. C'est ça. C'est automatiquement. C'est automatique. Là, il n'y a pas eu beaucoup d'études là-dessus, mais il me semble que tu deviens direct athée. Pareil, merci. Ça, c'est. J'allais dire rafraîchissant. Ah. Mais bizarrement, je ne pensais pas au jet d'eau. Je pensais aux bonnes journées. Ok, oui, c'est vrai qu'une bonne journée, c'est rafraîchissant. Enfin, croiser quelqu'un qui dit bonne journée, sourire. C'est ça. C'est déjà aussi quelque chose qui. C'est un autre qui début de la journée. Qui rafraîchit la pensée, les émotions. C'est vrai que ça fait. C'est peut-être ça, en fait, le matin. C'est la journée commence quand la première personne te sourit. Première personne que tu croises ce sourire. Premier sourire que tu croises. C'est peut-être là que ça commence vraiment. C'est ça. Ça, on coupera. Oui, non, ça, on garde tout. on fait pas de montage. Ça, on coupera. Ça, on coupera aussi, bien sûr. Ça, on coupera. Mais je crois qu'on va tout couper. Voilà. Ça, je coupe. On coupe du début à la fin. Je coupe. Et puis, on voit ce qui reste, quoi. Ça, je coupe. Et puis, avec. Ouais, on coupe. Couper. On coupe. Non, on coupe. Non, couper. Bah, on, ah, c'est pas mal. On éteint les micros. Couper. C'est pas mal. Couper. Couper. Pouf. Ah oui. Pouf. Pouf. Salut. Salut. Ah pardon, je crois que tu me parlais.